te sphère, flotter comme une crise de nerfs qui ne voulait pas comprendre qu'il puisse ainsi se ça, il n'en était pas conscient. De quoi était-il sûr au juste? Ça, il l'ignorait forcément. À des millions de un être qui croyait être le narrateur d'un monde dépourvu de malheur. De quoi cela est-il au juste? Ça, il n'en était pas conscient. De quoi était-il sûr au juste? Ça, il l'ignorait forcément. Car sans connaître les réponses, attendre que le monde change. De quoi cela est-il au juste? Ça, il n'en était pas conscient. De quoi était-il sûr?